Section 84 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e. Section 84. Histoire d'une police par Général Galifet. Dans les derniers jours de l'année 1854, M. Gégère, le culottier en vogue, voyait entrer chez lui un de ses clients. « Mon cher Gégère, lui dit-il, je pars pour la Crimée faire une visite à mon beau-frère, officier dans l'armée qui assiège Sébastopol. Il fait un froid de chien là-bas, je veux lui rapporter une pelisse bien fourrée. Faites-en deux, l'autre sera pour moi. » Nous avons, mon beau-frère et moi, la même taille. Je pars demain. Vous emballerez les pelisses et m'enverrez la caisse chez moi demain soir avant 7h, dernier délai. 15 jours plus tard, l'officier apprend que son parent était en rade de Camièche. Obtenir l'exéat du général de Cissé, galoper jusqu'à Camièche et escalader le bord, ce ne fut pas long. Après maintes accolades, la caisse fut ouverte, l'officier prit au hasard l'une des deux pelisses, l'attacha sur le devant de sa selle et regagna son quartier. À cette époque, la France n'avait pas encore commencé l'envoi de ses dons nationaux. Cette pelisse, qui tombait au milieu des loques dont nos officiers étaient couverts, prit les proportions d'un événement. Elle fut tournée et retournée entre les mains de tous, puis endossé par son heureux propriétaire. En mettant sa main dans les poches de la pelisse, l'officier sentit qu'un papier avait été cousu dans l'intérieur. Il retira avec précaution et lut ce qui suit. « Cette pelisse est destinée à l'un des officiers de notre brave armée d'Orient. Qu'elle lui porte bonheur. Deux jeunes femmes y ont travaillé pendant la journée du et la nuit du. Elles l'accompagnent de tous leurs vœux. » Aucune signature. L'auditoire fut ému jusqu'aux larmes de ce témoignage d'une sympathie qui s'adressait à toute l'armée. Dans les derniers mois de 1855, le sous-lieutenant rentrait en France tout entier, cité et décoré. Il voulut remercier celle qui lui avait porté bonheur. Ce fut impossible, elles persistèrent à garder l'incognito. Leurs vœux accompagnent encore le jeune officier de l'armée d'Orient, car il est aujourd'hui général de division et grand croix de la Légion d'honneur. Il se rappelle toujours avec une vive émotion ce charmant épisode de sa jeunesse. Fin de la section 84.